Bouygues Télécom. Pauline de Pau rêve depuis très longtemps de posséder un super smartphone pour partager ses plus beaux moments avec ses proches. Ce serait top, mais côté porte-monnaie, Pauline se dit qu'elle doit encore économiser pour se faire plaisir. Eh bien, Pauline, bonne nouvelle! En ce moment, et seulement jusqu'au 26 octobre, c'est la vente flash Bouygues Télécom. Profitez de 70€ de remise sur tous les smartphones grâce au forfait sensation 60Go avec avantage smartphone. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, valable pour l'achat d'un mobile de 71€ minimum, engagement 24 mois. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coup d'humain, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Le Yoga et moi, une série d'Élodie Maillot réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a une documentariste qui pratique avec assiduité et une mode qui donne envie de la questionner, mais aussi, pourquoi pas, de se demander comment faire entrer l'esprit du yoga dans le travail et dans la vie. Alors pour commencer, les personnages. Une yogi qui se questionne, une prof célèbre, Laurent Voulzy, une formatrice, une philosophe qui doute, un chef d'entreprise yogi, une carriériste repentie, un yogi qui est le chef et une scientifique reconnaissante. Ensuite, le décor. Des questions sans réponse, le capitalisme, la bienveillance, la méditation, le corporate yoga, des boules d'énergie, la respiration, du management éthique, des sutras, une maison, une retraite et des télomères. Aujourd'hui, 4e épisode, on plaque tout. I had actively participated in every moment of the creation of this life. So why didn't I see myself in any of it? Dans ce film, mange, prie, aime, Julia Roberts plaque tout, et surtout son mari, pour se chercher. Elle s'initie au yoga et à la méditation. Elle abandonne ses possessions matérielles de New-Yorkaise busy et son super job de journaliste qui parcourt le monde pour se trouver. Is that your guru? Yes, it is. I was out of work and been pretty desperate for something. En faisant ce voyage en pays yoga pour cette série d'émissions, j'ai rencontré beaucoup de yogis et de yoginis, d'hommes et surtout de femmes qui avaient tout plaqué pour se connecter à d'autres valeurs, pour s'aligner après des expériences, des sensations, parfois des illuminations ou des réflexions terre à terre qu'ils ont connues sur le tapis de yoga. Certains ont changé de job ou de vie, d'autres ont plongé dans l'industrie du bien-être et le business du yoga qui pèse désormais des centaines de millions d'euros. D'autres encore ont écrit des livres, mais autrement. Alors, moi aussi, je me suis demandé si le yoga pouvait me donner des super pouvoirs professionnels. Pendant que je chantais des mantras, que je découvrais que la superficie de mes poumons déployés est supérieure à celle de mon appartement, que mon souffle pouvait agir sur mes milliards de cellules et même modifier mon état de conscience, je me suis demandé si ces centaines d'heures de cours en ligne ou en présentiel pouvaient transformer autre chose en moi. Pas seulement me permettre de dormir moins, d'avoir moins mal au dos ou de travailler plus, mais plutôt transformer mon travail auquel je consacre de nombreuses heures de mes journées. Ta vie, c'est la somme de tes journées. Comme disait Stéphane du Festival de Yoga. Donc, ça transforme ta vie. En commençant cette série, j'avais comme souvent l'envie d'entendre certaines démonstrations, histoire de conforter mes choix et surtout, je cherchais des réponses claires et concises qui simplifieraient mon travail de montage. Mais mon manichéisme naïf a vite été chahuté par des réponses assez inattendues. Oui et non, c'est-à-dire, alors... Oui et non. J'ai envie de dire encore une fois, oui et non. Oui, enfin, ça c'est une bonne question, c'est pas très facile à répondre. Donc j'ai pas de réponse définitive à cela, mais... Ça dépend de ce que vous faites. Parfois, les enregistrements dépassaient carrément le cadre professionnel habituel. Lève tes fesses en l'air, Élodie. Tirez sur les talons, c'est ça. Il y a un petit peu de poids sur le dessus de la tête, mais pas trop. C'est bon ? Élodie, c'est Guru Jagat. Hello. I'm in Russia, so it should be fine. OK. I do this before I go into meetings where I want to do the best job I can. So respire par le nez et retiens ta respiration. And you're just gonna say to yourself victory or et tu te répètes simplement victoire, victoire, victoire, victoire, victoire. Au fur et à mesure, des choses qui semblaient ne pas du tout aller ensemble se télescopaient étrangement, comme entreprendre et ressentir, yin et yang, venir questionner une chef d'entreprise et se faire analyser. Moi, je suis très sensible aux énergies des personnes et des lieux. Je fais toujours nettoyer les énergies. Et là, avec vous, je sens qu'il y a quelque chose de très bon, de très joyeux, presque un peu enfantin. Donc voilà, je suis dans cette énergie-là, je ressens cette énergie-là. Plutôt sympa, alors. Très sympa. Bon, on continue, alors. À la fin de certaines interviews, j'ai parfois même eu le sentiment de laisser autre chose que ma carte de visite ou mon nom. Hello. Elodie, like Melody. Elodie. Ok. I would just like to say, Elodie, je voulais juste te dire, Elodie, que ce que tu fais is so good. Est vraiment bien. And your voice, the sound current et que le son de ta voix, voice, we're very much about sound current, les sons sont très importants en yoga. Et le son de ta voix exprime que ta glande pinéale, ton troisième œil, est connectée à ton cœur. C'est ce que je voulais te dire. Merci. Thank you. The connection is because ton troisième œil est connecté à ton cœur. In utero, ce qui se développe après le cœur chez le bébé, c'est la langue. Donc elle grandit à partir de ton cœur. Alors quand on dit « parle avec ton cœur », c'est vrai. Merci. Je n'étais pas due, bien sûr, mais j'avoue qu'un peu de cette fameuse bienveillance yogique me faisait du bien. Et, petit à petit, j'ai laissé un peu fondre les bords de mon moi journalistique ultra-cartésien et critique dans la méditation pour essayer de comprendre comment j'habite ce monde. Ce monde dans lequel je me retrouve un samedi fin 2019 à aller enregistrer un atelier de méditation de l'américain David Wagner, plutôt qu'une manif contre les retraites. De yoga et de méditation, parce que les gens ont réussi à passer, moi je suis en vélo. J'ai alors l'impression que ma retraite du monde cet après-midi-là est un peu une fuite. Comment se préoccuper de son petit corps et de son esprit dans les beaux quartiers de Paris pendant que le monde gronde ? You live forward, becoming freer and freer. Pendant cet atelier de méditation, David parle du soi, de voyage, de Truffaut, de Patanjali, de Trump, et au bout de 3 heures, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Mais pour une fois, j'ai eu envie de raconter ce qui m'a vraiment traversé l'esprit pendant ma première expérience méditative enregistrée, et c'était assez étonnant. Donc du coup, peut-être que je vais commencer un tout petit peu par vous dire ce que j'ai ressenti. Je vais essayer de raconter ce que moi j'ai ressenti à la fin de la méditation et ce qui m'a un peu troublée. J'ai vu le visage de Laurent Voulzy. Comment on peut traduire Laurent Voulzy ? Donc c'est un chanteur pacifique, ça c'est sûr, mais j'ai rien à voir avec Laurent Voulzy. En fait, j'écoute jamais Laurent Voulzy. Ce que je ferais à ta place si j'avais ce genre de vision, j'irais sur Spotify ou sur Internet. Et je verrai quelle chanson me tombe dessus. You know, sometimes spirit will speak to us in meditation like this, where vous savez, parfois notre esprit nous parle dans des méditations comme celle d'aujourd'hui pour nous donner des indices, des pistes. À nous de suivre ces indices. Avec cette chanson, vous découvrirez qu'il y a des paroles ou quelque chose d'autre qui surgit et qui est un message réel pour vous. Parce que d'une certaine façon, ça peut être un peu comme la psychanalyse, c'est-à-dire le signifiant a une vie à part, une vie invisible, et il faut essayer de connecter les signifiants. C'est comme ça que je travaille avec ce genre de choses en méditation ou avec les rêves. C'est comme ça que Carl Jung travaillait le rêve. Freud travaillait plus avec les associations libres. Jung travaillait pas seulement avec la libre association, mais aussi avec des associations symboliques. Et puis après, il suffit de suivre les cailloux du petit poussé. Si je vous connaissais, je pourrais vous aider à interpréter, mais c'est ce que je vous conseille de faire quand ce chanteur apparaît. Alors, en sortant, je suis allée sur Internet, je ne connaissais pas grand-chose de Voulzy, et ce titre a surgi à l'écran. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature, faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Bon, C'est vrai que j'aurais pu traduire « vous-y » en anglais par « cheesy ». Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin. Lila, c'était nos divisions, nos soldats pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer Changer le monde avec des bouquets de fleurs, ça ne me ressemble pas vraiment. Mais j'ai quand même décidé d'écouter le conseil de David et de suivre les miettes, comme il disait, au péril de mon éducation cartésienne. La plupart des pratiquants de yoga que j'ai rencontrés avaient bien un désir de transformation, une envie de changer. Peut-être pas le monde, mais souvent, au moins leur vie, leur travail. Dans Le Yogi et le Commissaire, Arthur Kessler oppose d'ailleurs les transformations par l'extérieur des commissaires soviétiques et la transformation par l'intérieur du yogi. Et si on considère que Max Weber et le protestantisme ont enfanté la richesse des nations, Adam Smith et les marchés, alors la conscience yogi pourrait peut-être imaginer une autre société, un autre modèle économique et politique. Dans un monde qui contemple ses héros, ceux qui réussissent leur vie professionnelle et personnelle, ceux qui sculptent leur corps et qui savent tenir la tête en bas dans l'arène des postures en yoga, le poirier, peut-on changer le travail avec le yoga ? Oui, oui, tout à fait. Jeanne Burgat-Gautal est philosophe, elle est professeure de philo dans un lycée à Marseille, elle a écrit « Être écoféministe, théorie et pratique » et il me semble que depuis qu'elle fait du yoga, elle fait son métier autrement. Oui, bon, je pense qu'en fait, en venant au yoga à partir de la philo, on a un peu un handicap par rapport à des gens qui sont plus prêts à admettre leur expérience. Puisque voilà, fondamentalement, en philo, on est vigilant à ne pas tomber dans des illusions. Et c'est vrai que très souvent, dans mes premières années parmi les yogis, j'étais complètement scotchée par les trucs que j'entendais, de discussions hyper sérieuses sur la réincarnation, ou voilà, de questionnements sur la nature profonde de l'être, la structure de l'univers. Je me disais, mais enfin, ils savent pas que quand t'as dit la métaphysique est morte, voilà, philosophiquement, ça me paraissait vraiment farfelu. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à savoir que faire de cet aspect du yoga, qui indéniablement est là aussi. Certains débuts de réconciliation possible sont passés non pas par la réflexion, mais par la pratique. Par exemple, sur la notion d'énergie, pendant longtemps, quand j'entendais mes profs de yoga ou voilà, d'autres personnes pratiquant le yoga dire « sans l'énergie dans ton corps » et tout ça, je me disais « mais énergie, énergie, de quoi il me parle ? Définis ton concept, argumente, comme on fait en philo, quoi, explique !» Et je trouvais tout ça, mais d'un vague, pas possible. Et dans un des modules de ma formation de yoga, on a fait un exercice tout simple, en fait, après une pratique où on a bien bougé, etc., frotter ses mains l'une contre l'autre, fermer les yeux et éloigner les mains pour voir si on sent une boule d'énergie ou un champ électromagnétique, des sensations entre les paumes des mains. Et la première fois que je l'ai fait, c'était super drôle parce que, en fait, c'est comme si j'étais divisée entre la philosophe en moi qui disait « je crois que je sens quelque chose, mais non, mais c'est pas possible, mais attends, toute sensation peut être une illusion, donc tu crois que tu sens quelque chose, mais peut-être qu'en fait tes sens te trompent », voilà, toute la démarche sceptique, et en même temps une autre partie de moi disait « mais si, tu sens quelque chose ». Et ça a été assez important pour moi pour comprendre que la rationalité, je crois qu'elle est super importante, et qu'il faut absolument pas lâcher ça, surtout à l'heure où on est bombardé de fake news. Mais en même temps, ça m'a fait aussi comprendre que la rationalité n'est pas tout et qu'il y a d'autres expériences physiques ou spirituelles ou sensibles ou peut-être mystiques. Par contre, pour moi, il faut qu'elles restent de l'ordre de l'expérience et qu'on ne se mette pas à prétendre tenir un discours dogmatique là-dessus. Dans mon parcours philosophique, ce que ça a changé, ça a été de m'apercevoir qu'il y avait d'autres manières de faire de la philosophie que celles qu'on m'avait enseignées dans les grandes écoles et dans les universités en France. Mais voilà, avec des méthodes yogiques, on va dire, on fait l'expérience, on comprend par le corps un certain nombre d'idées, comme le vide et le plein, la limite et l'illimité, le haut et le bas, le mouvement et l'immobilité, etc. Donc des notions philosophiques, ce qui en fait élargit considérablement les manières de pratiquer la philosophie. On a eu un passage d'oie sauvage ce matin. C'était magnifique. Il y avait... Elles étaient nombreuses. C'est le signe de l'automne et de l'hiver qui approche. Avec le yoga, Jeanne avait donc réussi à placer l'expérience du corps au cœur du cheminement intellectuel, comme Emmanuel Carrère dans son dernier livre intitulé Yoga. Ça, c'était déjà une production, certes intellectuelle, mais je me demandais comment les penseurs du concret, ceux qui ont les mains dans le cambouis de l'économie, les entrepreneurs yogis font coïncider profit, organisation de l'entreprise et chemin du yoga. On a 5 serres. Alors, par un après-midi sous la pluie, je me suis retrouvée loin de mon biotope professionnel. Je suis arrivée en Normandie, au milieu des serres, chez Akal Food, une entreprise yogi qui produit de la spiruline. C'est une cyanobactérie très riche en sels minéraux consommée par les Aztèques et aujourd'hui consommée en complément alimentaire. Beaucoup de mouettes aussi, parce qu'on n'est pas très loin de la mer. Les mésanges. Sympa comme bureau. Voilà, ça fait 68 hectares, donc c'est vraiment un écrin protégé. Attendez, il y a 150 arbres fruitiers. Donc voilà, Akal Food. Akal, en Inde, ça signifie qui ne meurt jamais. C'est éternel, si on veut. Du coup, c'est un petit clin d'œil pour une alimentation qui nous permet de rester vivants plus longtemps. Et surtout, en bonne santé. Quelque part, nous, on pratique le yoga, on enseigne le yoga... Et on applique aussi le yoga dans la cellule dans l'entreprise. Et déjà, le yoga, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une grande question parce que ça gère notre stress. C'est une façon de communiquer, c'est une façon de se sentir inspiré aussi et de voir les orientations. C'est une façon de s'alimenter. Une façon de marcher. Là, on marche vite. Hein. ça peut être une marche dynamique et tonique, comme une marche cool. Il n'y a pas une marche de yoga. Il n'y a pas une respiration en yoga. C'est une diversité d'outils qui aident à gérer le quotidien et qui évoluent. Par exemple, là, on fait une méditation quotidienne avec les personnes, nos collaborateurs qui ont envie, hein, c'est pas obligatoire, mais sur un des aspects de l'entreprise. Le lundi, ça peut être sur la ferme et la production. Le mardi, ça va être sur la commercialisation et ainsi de suite toute la semaine. Par exemple, ce matin, vous vous êtes dit quoi? Alors là, c'est secret professionnel. Non, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait besoin de... plus de verticalité, on s'est dit aussi... Ça, c'est un terme de l'entreprise, c'est pas un terme de yoga ou c'est, vous voulez dire qu'il fallait être plus sur la tête? Non, mais la verticalité, quelque part, on la ressent à l'intérieur de soi et puis du coup, on peut aussi la transcrire au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire? Eh ben, par exemple, ça veut dire d'être plus structuré. Si on peut dégager des bénéfices, eh ben, tant mieux, on peut faire d'autant plus de choses. L'argent n'est pas mauvais. Là, aujourd'hui, on est sur un rythme de croissance douce, une croissance organique. On aime bien se définir comme une slow-up. On connaît beaucoup de start-up, hein, mais nous, on est vraiment assez lent. On met du temps. La nature, si on regarde, eh ben, souvent, elle grandit petit à petit. Un essaim, par exemple, s'il se porte bien, eh ben, il va grandir de 1,62, je crois, chaque année. Et si c'est plus, ça va être trop de bouche à nourrir et c'est pas forcément un bon équilibre. Si c'est moins, et bah du coup ils vont pas être assez pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. Donc ça, on le retrouve chez l'abeille, on le retrouve sur les branches, on le retrouve dans toute la création quelque part. Il y a ce qui est appelé le nombre d'or pour évaluer le facteur de croissance. C'est un petit peu notre objectif, donc pas de multiplier par 10 le bénéfice ou le chiffre d'affaires, mais de croître petit à petit tout en préservant nos valeurs et une certaine qualité de travail. Pour répondre, votre chef d'entreprise, juste de vérifier un truc dehors. Alors, est-ce que si le yoga peut changer l'état de conscience, est-ce qu'à terme, il peut changer le monde ? En théorie, ça me paraît pas impossible que le yoga, disons, je pense qu'il y a une portée politique du yoga, mais actuellement, c'est-à-dire concrètement, c'est un business. Sous cette forme-là, je crois juste que c'est un des vecteurs par lequel le capitalisme continue à se transmettre. Sociologiquement, on voit bien que généralement, l'énorme majorité des gens qui font du yoga, c'est plutôt des personnes favorisées qui peuvent dégager du temps et de l'argent pour se consacrer à ça. Souvent, c'est des nanas qui vont parler de compassion, amour universel, ouverture du cœur, et pas dire bonjour au début, pas dire bonjour à la fin, et puis après retourner bosser dans leur boîte chez Total ou je sais pas quoi. Donc, dans la réalité concrète, sociologique, économique du yoga, j'y crois pas trop. Après, en théorie, en imaginant un autre monde possible, et peut-être dans certains interstices, il me semble que dans le yoga, il y a un gros potentiel politique et un gros potentiel écologique et décroissant. Si on m'avait dit il y a quelques années, un jour, en fait, tu seras heureuse juste en t'asseyant et en respirant, j'aurais trouvé ça totalement improbable. Mais en vrai, c'est une activité super écologique de s'asseoir et de respirer. Et il me semble qu'il y a quelque chose de foncièrement décroissant, foncièrement antiproductiviste dans l'activité de yoga et dans le rapport au monde que ça contribue à créer. Mais est-ce que justement cette concentration sur la respiration, ce qu'on appelle dans le yoga le pranayama, c'est l'ultime radicalité, c'est de dire on n'est que respiration et ça dissout les gens, les classes et quelque part même l'individu. Oui, tout à fait. C'est-à-dire effectivement, je crois qu'il y a quelque chose de politique là-dedans, dans la respiration. Donc d'ailleurs, en ce moment, le slogan « On veut respirer » qui réunit les mouvements climat, mouvements antiracistes, le port des masques, on voit bien qu'autour de la respiration, ça devient un enjeu politique ou biopolitique majeur. Et le pranayama, en tout cas, pour ma part, le pranayama, pendant les premières années où je pratiquais ça, ça me rendait dingue. C'était censé calmer. Mais en fait, ça me mettait dans un état de rage avancée parce qu'effectivement, en tout cas, une des raisons, c'est que ça nous confronte directement au mécanisme de l'ego et au fait que faire passer complètement au second plan et même s'effacer derrière le souffle, donc un principe de vie universel, impersonnel, il y a quelque chose qui révolte l'ego dans cette pratique. Donc effectivement, je crois qu'il y a ce potentiel de apprendre à toucher en soi quelque chose d'universel, d'impersonnel, apprendre à se décentrer, apprendre à s'effacer, au lieu de effectivement toujours vouloir en faire plus, en avoir plus, etc. Mais la difficulté, c'est toujours comment on articule ça avec la vie réelle. Comment on fait pour ne pas vivre ça sur le mode de la schizophrénie, c'est-à-dire une heure par jour, j'efface mon identité dans le tout et dans le cosmos. Et puis après, je retourne bosser normalement. Mais c'est un peu le genre de choses que j'ai envie d'explorer dans le lycée où j'enseigne la philo. Je vais commencer à lancer des cours de yoga que je ferai en tant que prof de philo avec une formation de yoga. Mais pour moi, c'est vraiment aussi cette question de quel potentiel transformateur ça a, puisque l'école, concrètement, pour moi, c'est ça. C'est le lieu où on peut opérer la transformation sociale à travers l'éducation. Ce potentiel politique, il me paraît existant, mais vraiment pas automatique. Reste à voir comment le yoga peut former les élèves et peut-être même les dirigeants de demain pourront faire des managers d'un autre type. Les recherches sur le lien entre yoga et management, c'est quand même pas très ancien. Il n'y en a pas énormément. Effectivement, en France, il existe peu d'études sur les liens entre yoga et management, sauf peut-être faire du yoga loin du réverbère, formation au management et éthique incarnée de Franck Géotombeau et Christophe Vignon. Christophe Vignon est maître de conférences à l'Université de Rennes et chercheur au Centre de recherche d'économie et de management. Mais les deux études, les deux articles. Si on reprend les fameuses Yoga Sutras de Patanjali, il y a une sutra qui dit: celui qui se désintéresse de l'acquisition de biens inutiles connaît la signification de la vie. ça paraît impossible à appliquer en entreprise. C'est un peu le paradoxe du système quand on essaye d'apprendre, enfin, ou de faire travailler des étudiants en management avec l'idée des valeurs du yoga. Pour le dire sous l'angle de la Bhagavad Gita, c'est le renoncement au fruit de son action. C'est-à-dire on agit non pas pour en tirer un profit personnel, mais parce qu'il y a une perception que les choses sont justes à un moment donné. Ouais. Donc, la question que de départ, elle est partie du constat de la crise de 2008 et beaucoup de recherches en management montrent que finalement, la cause de cette crise, c'est un manque d'éthique de la part des dirigeants. Et un manque d'éthique parce que, en gros, dans la plupart des entreprises, notamment les banques qui ont été à l'origine de cette crise, ils savaient que ce qu'ils faisaient était toxique, mais ils y sont quand même allés. Comment on peut faire à l'avenir pour éviter cela? Et nos recherches nous ont conduit vers la lecture d'une philosophe australienne qui s'appelle Rosalind Diprose, qui a beaucoup travaillé sur l'incarnation éthique. Et ce qu'elle montre, c'est que plus les personnes ont une connaissance, se reconnectent au corps, plus ils ont une conscience de leur corps, plus ils s'ouvrent à l'altérité et à la relation aux autres. Donc, l'idée, c'est de développer une forme de micro-émancipation, c'est-à-dire où se rapprocher de son corps et de ses émotions permet de s'émanciper des pressions de culture organisationnelle qui font que on voit de plus en plus de managers cyniques, de managers désabusés, de managers qui trichent avec les règles, hein, des comportements d'imposture de plus en plus fréquents. Et donc, le yoga nous est apparu à travers les postures, à travers la respiration, à travers la concentration, permet de prendre conscience de son corps, de son incarnation. Et donc, la dimension philosophique plus la dimension incarnée nous a conduit à nous dire, si on menait une expérience pour voir quels sont les effets de la pratique du yoga sur le souci éthique ou l'ouverture aux autres, l'incarnation éthique des étudiants, on pourrait peut-être avoir une réflexion intéressante. C'était un peu ça notre point de départ. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert finalement à l'issue de vos travaux avec des étudiants qui aspiraient à devenir les managers d'entreprises de demain? Ce qui nous a frappé et la chose à laquelle on n'avait pas pensé au début, c'est l'écart entre les réponses des filles et les réponses des garçons. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un marquage de genre qui est très important. Les garçons sont beaucoup plus orientés vers l'efficacité, la performance de l'organisation, et beaucoup plus centrés sur eux-mêmes. À quoi ça va me servir en gros? Dans une pratique qui n'est pas une pratique qui vise la performance et la compétition, parce que ce n'est pas du tout l'esprit du yoga, alors que la question de l'utilité est très peu présente chez les filles. Et les garçons sont beaucoup plus orientés vers l'efficacité, la performance de l'organisation, et beaucoup plus centrés sur eux-mêmes. Really breathe and stretch. This is for your ovaries. But this posture is a good posture to do every day for all of your hormonal and reproductive health. Même si le yoga et la radicalité extrême du souffle qui dissout le soi n'a pas encore réussi à effacer les frontières des genres, je me suis mise à rêver à ces super pouvoirs portés par des super gourous au féminin qui transformeraient les think tanks en feel tanks. More breath. Et j'ai rencontré une femme qui surfe sur l'explosion de l'industrie du bien-être high-tech qui représentait déjà 5,3% de l'économie en 2017. Guru Jagat est une super patronne, prof de yoga qui mêle mode, communauté, spiritualité et ce qu'elle appelle le femtech. Good, now inhale, press up. My name is Guru Jagat. Je m'appelle Guru Jagat. Certainly not referring to some sort of hierarchical spiritual title. Guru, ce n'est certainement pas une référence à une sorte de titre spirituel hiérarchique, souvent associé au mot gourou pour beaucoup de gens. Mais dans mon cas, c'est vraiment une fréquence sonore. On pourrait comparer mon nom, Guru Jagat, à celui de l'artiste Prince. s'est lui-même renommé Sam. Mais bon, Guru Jagat, c'est avant tout un son, comme un mantra. Ce n'est pas un titre. Mon travail est de déconstruire beaucoup de clichés que nous avons sur les hiérarchies spirituelles et les hiérarchies en général, les constructions de genre. Dans le passé, les leaders spirituels étaient le plus souvent des hommes, des gourous au masculin, avec tout un tas de stéréotypes autour du karma et tout ce genre de choses. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Je suis la fondatrice et la présidente de Rama Institute for Applied Yogic Science and Technology, l'Institut de sciences et technologies yogiques appliquées. Nous avons des instituts à travers le monde, ainsi qu'une plateforme numérique, Rama TV, et une myriade d'autres business que nous avons déclinés autour de l'expérience yogique de Rama. En 2018, nous avons lancé une branche de mode avec déjà deux collections. Une collection de streetwear méditative et une autre de semi-couture. Nous avons aussi lancé le Rama Festival et en 2020, nous avons monté notre université et notre business school. Et puis, nous avons d'autres branches comme Rama Records, notre label de médias et de musique. On fait tellement de choses, je suis sûre que j'en oublie certaines. Tout ça pour dire qu'on est des entrepreneurs en série. C'est pour ça que je me qualifie de patronne high-tech. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Mais j'ai toujours eu l'âme d'un entrepreneur. Avant Rama, j'avais monté mon entreprise dans le secteur du bien-être avant le boom de l'industrie du bien-être, et ça marchait très bien. Aujourd'hui, nous sommes certainement un conglomérat qui pèse plusieurs millions de dollars. Et cette année, nous espérons encore grandir. Et je sais que je suis dans la bonne tendance quand des institutions comme la Harvard Business School m'invitent. Évidemment, ce que nous faisons touche leurs étudiants, qu'ils soient des millennials ou nés après les années 2000, qu'ils appartiennent à la génération Z, car ils aspirent désormais à mener une vie socialement responsable tout en faisant une carrière et en gagnant de l'argent. Pour moi, ces choses ne sont pas incompatibles. L'argent demande des responsabilités. L'argent, ce n'est pas rien. L'argent et le sexe, c'est ce qui corrompt la plupart des gens qui ne savent pas les gérer. Nous devons apprendre à être assez forts pour gérer l'argent. Jusque-là, le cliché pour une personne spirituelle, c'était de méditer sans possession matérielle, à part un bol de riz, et tout ce genre de clichés sur la spiritualité. Mais si nous voulons que le monde change, nous qui avons une sorte de connexion spirituelle, ou une sorte de conscience, une conscience élargie, disons, nous devons nous aussi apprendre à gérer l'argent. Donc, c'est ce que nous enseignons à la Rama Business School. Vous pouvez nous donner un petit exemple pour savoir comment se comporter avec l'argent? Eh bien, je pense qu'un principe yogique majeur, c'est le don, que je pratique très souvent. Les gens très riches comprennent ça très bien, parce que souvent, ils arrivent à un point où ils se demandent quoi faire avec tout leur argent. Ils se disent, tiens, je vais devenir philanthrope. Ils ont cette compréhension. Mais même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, donner une petite somme d'argent, c'est quelque chose, c'est un geste, peu importe le montant. Mais il y a quelque chose dans le fait de donner plus que ce qu'on voudrait. Cela crée une certaine prospérité en retour. Et c'est ce qui est très beau en Asie. Les gens n'ont rien, mais ils vont t'offrir un repas. Il y a juste cette compréhension de l'économie du don, parce que ça fait grandir. Because that is going to make you grow. Et je vous montre en deux secondes l'endroit. Deux perceuses. Nous voilà dans la maison du tigre qui ouvre ses portes demain. Elodie Garamond, patronne du Tigre Yoga, ouvre son sixième lieu parisien en cette fin 2010. On est en train de finir les petites peintures. Voilà, on a un peu de bruit. Donc la maison du Tigre, c'est un espace qui est conçu pour accueillir les yogis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, ça va être la maison dans laquelle on va enregistrer, tourner, faire des films, faire des enregistrements sonores. Et on est en train d'installer deux caméras à 360 degrés, plus tout le système sono et la régie sono. Il n'y a pas d'équivalent pour l'instant dans Paris. En salle événementielle yoga, ça n'existe pas. Comment est-ce que vous conjuguez, j'allais dire, au quotidien, les valeurs qui sont celles du yoga et celles de l'entreprise? Est-ce que c'est compliqué? Ça ne l'est plus aujourd'hui, mais ça a été très compliqué les premières années. Et pourquoi? Parce que j'étais plutôt, j'étais assez carriériste, j'avais une casquette de businesswoman bien plantée sur la tête. J'ai eu un grand moment de doute, j'ai traversé une période, plusieurs semaines ou mois, où je me posais beaucoup de questions sur mon intégrité, sur la justesse de ce que je faisais, en me demandant si finalement tout ça n'était pas du pur marketing et si je n'étais pas en train de passer complètement à côté des valeurs du yoga parce que c'était une entreprise, parce qu'on était très médiatisé, parce qu'il fallait gagner de l'argent. Et avec un positionnement haut de gamme en plus, parce que tout le monde, tous les studios de yoga vendent leurs cours de yoga et c'est logique, mais nous on le faisait avec un positionnement haut de gamme. Ça évidemment, ça a un coût. Il a fallu que je me réconcilie avec tout ça, et je pense que c'est venu au moment où j'ai commencé à pouvoir enseigner et à enseigner gratuitement et à donner moi de mon propre temps pour partager le yoga avec des personnes malades, avec des enfants en situation de précarité, avec des personnes plus fragiles psychologiquement ou physiquement. Et le fait de faire ça m'a solidifié dans ma conviction que finalement, oui, je portais les valeurs du yoga. Voilà, je pense que quand j'ai démarré, j'étais beaucoup dans l'égotisme et jusqu'à ce que je réalise qu'il y en avait trop. Dans une posture de yoga, on dit qu'on est en posture de yoga quand on est stable et confortable. Et qu'il faut toujours trouver l'équilibre dans une assise ou dans une position entre volonté et lâcher prise. Et je crois que dans la vie, dans l'entreprise, c'est pareil, c'est de trouver ce juste équilibre entre la discipline, la volonté, l'encadrement, la recherche de profitabilité, de contrôle de gestion, et en même temps de laisser la liberté, le lâcher prise, la créativité, tout ça doit aussi pouvoir s'exprimer. Celui qui a le leadership, c'est celui qui sait aussi trouver le leadership chez les autres. De les faire grandir, de leur donner la confiance de s'exprimer et après de savoir associer des talents. Moi, je ne crois pas à la personne parfaite, je crois à la complémentarité parfaite. Et ça, sont les valeurs du yoga que n'importe quel chef d'entreprise doit être capable de mettre en place dans sa société. Et c'est difficile de faire résonner tout ça avec la rentabilité? Alors, ça fait venir une rentabilité peut-être plus tardive, parce que il y a une notion de temps aussi, de rapport au temps. C'est que quand on décide de mettre en place dans une société toutes ces valeurs-là, on met évidemment moins de pression sur le temps. Vous savez, les entreprises dans lesquelles les équipes sont fidèles, sont engagées, sont heureuses, Moi, je suis convaincue qu'à terme, ça participe de la compétitivité d'une entreprise. Il y a une phrase de Yogi Bhajan qui m'a vraiment inspiré. Il nous dit « You want to be happy? Just serve the people. Serve the people. » Vous voulez être heureux, servez les gens. Oui, voilà. C'est très yogi. Ah oui, tout à fait. C'est le seva, c'est-à-dire que vous devez... D'une part, gagner votre vie à la sueur de votre front, donc travailler. Ensuite, vous devez servir les gens. Et c'est ce qui se passe au Golden Temple. Après plusieurs vies professionnelles, dont celle de directeur financier, Atma a monté sa propre entreprise de tisane ayurvédique bio en 2017. Il y a un repas qui est servi gratuitement pour tout le monde, qui s'appelle le langar. Voilà, et c'est ça le seva. Et donc il y a les agriculteurs qui ont donné leur blé gratuitement pour cette nourriture, les fruits, et puis les gens qui préparent le repas. Et en fait, moi ça m'a vraiment marqué. Ouais, ça rend heureux de servir les gens. Même aujourd'hui, ce matin là, j'ai fait ça, j'ai servi le chai, et les gens sont contents. Enfin voilà, on sert quelque chose à boire qui est bon. Voilà. Donc ça c'est votre produit phare? Au départ, c'était pas prévu que ça soit notre produit phare. On en a vendu beaucoup l'année dernière à Noël. Donc, on a mis ça dans une boîte métallique en fer Voilà, donc le logo, c'est un yogi qui est assis, donc c'est stylisé. En tailleur. Il est assis en tailleur, donc le tailleur c'est représenté par un 8 qui fait aussi l'infini. Et ce yogi, il a un turban comme moi, le turban des Sikhs. Et au milieu du front, il a le troisième œil, parce que c'est l'intuition qui est au-dessus de la dualité, au-dessus des deux yeux, au-dessus des deux oreilles, au-dessus des deux pieds et des deux mains. Voilà, donc c'est l'unité. Est-ce que ce troisième œil, il vous sert dans le développement de votre entreprise ? Oui, c'est utile, mais il faut accepter d'être le chef. Et c'est pas évident, parce que souvent on est trop humble et on veut demander l'avis aux autres. Et les gens vont être dans le mental, ils vont peser le pour et le contre dans la dualité. Et si on est dans un conseil d'administration, voilà, avec un principe démocratique, et bon, ce qui est très bien, la démocratie, mais c'est quelque chose qui reste dans la dualité et ça peut créer des problèmes. Alors que quand les choses sont faites sans débat par l'intuition, ben en général, ça se passe mieux. Ah oui, mais alors, quelle est la limite entre l'intuition et puis l'autoritarisme du chef de l'entreprise ? Ah ben, il n'y a aucune limite, c'est une seule et même chose. Ensuite, on peut appeler l'autoritarisme par un mot plus élégant comme le leadership. Donc, j'essaye de faire en sorte que les personnes soient toujours inspirées par l'entreprise ou par leur travail. Bon, j'ai une barbe et un turban, donc les gens que j'embauche savent que je suis un yogi. Et j'ai des employés qui sont absolument pas du tout yogi. Moi, j'ai des employés qui arrivent, leur mode de vie, c'est McDo, Red Bull, Coca-Cola et cigarettes. Parce que c'est très difficile de trouver des ressources humaines. Et il y a... De recruter des yogis, vous voulez dire ? Recruter des yogis, non, ça c'est très facile. Très facile, mais quand vous recrutez des yogis, les gens ont une très forte projection. Et ils pensent qu'ils vont venir pour travailler en faisant du yoga. Ça, j'ai vécu ça dans d'autres entreprises. Les gens viennent pour la culture de l'entreprise et non pas pour le travail. Et ils pensent que ça va être différent. Et en fait, c'est pas différent, quoi. Enfin, voilà... Les gens qui travaillent à la machine devant pour fabriquer, mettre le thé en sachet, c'est une machine qui est très répétitive et ça ressemble exactement à Charlie Chaplin qui serre les boulons dans le film Les Temps modernes. Voilà, il y a une cadence. Voilà. Donc c'est Les Temps modernes dans votre entreprise ? Oui, la machine, ouais, elle a une sacrée cadence. Elle produit 104 à 110 infusettes à la minute. Donc vous voyez, c'est une cadence, tac, tac, tac, tac, tac. Oui, c'est comme Charlie Chaplin dans Les Temps modernes, voilà. Est-ce que vous faites quelque chose pour que le corps se libère un peu de cette machine dans votre entreprise ? On fait du yoga tous les jours à midi pile, tout le monde s'arrête. On fait des respirations très lentes, donc pour apaiser les gens. C'est une petite brique qu'on pose chaque jour. Mais à la fin, sur 250 jours, ben, y a un mur qui est solide. Et la santé de vos employés, c'est essentiel à la santé de l'entreprise. Et surtout, par le yoga, chaque jour, entre midi et deux, j'ai une connexion avec les personnes. Et par ce yoga, c'est moi qui dirige la séance. Eh bien, je maintiens la santé des salariés. Et je m'occupe de mes salariés, en fait. Physiquement. On fait cette séance de yoga. Et pas tous les jours. Ensuite, pendant 10 minutes, un quart d'heure, il y a une petite réunion impromptue. Et comme les gens sont posés, ça permet éventuellement d'amener un petit problème sur le tapis. Et en fait, c'est une méthode de management et une méthode de réunion, ce yoga entre midi et deux. Voilà, mais... je peux dire à un employé, lui faire un ou deux reproches, mais c'est bien pris et c'est devant tout le monde. Et je trouve ça beaucoup plus agréable de faire ça dans cet espace-là. Tout le monde entend. Et plutôt que dans un entretien individuel, entre quatre yeux, voilà. Et c'est assez agréable, cette pause yoga. Donc vous avez réussi grâce à l'économie, d'une certaine façon. Est-ce que L'autre étape, ça serait peut-être la politique. Est-ce que vous pensez que le yoga et la politique peuvent converger à un moment donné ? C'est drôle, j'adore cette phrase. Est-ce que le yoga et la politique peuvent converger ? Il se trouve que j'ai été mariée avec un homme politique pendant 10 ans. Donc on a convergé. Tout le monde sait que Christine Lagarde fait du yoga, donc je peux la citer sans problème. Le père de mes enfants le faisait avec moi, il pratiquait avec moi. Est-ce que vous avez vu des convictions politiques changer avec la pratique du yoga, par exemple chez votre ex-mari ? Pas du tout. Ce que j'observe, c'est que le yoga rentre partout aujourd'hui. Il est rentré dans les hôpitaux, il est rentré dans les écoles, il est rentré dans les entreprises, il est rentré dans la mode, il est rentré dans la cosméto, il est rentré dans la littérature. Et je crois que ce n'est pas qu'un phénomène de mode. Je crois que c'est vraiment un changement de vie assez profond. Aujourd'hui, être une femme chef d'entreprise qui propose de faire des cours de yoga à ses salariés et qui les invite à faire un bain de gong les soirs de pleine lune pour se connecter aux vibrations de la lune et réharmoniser leurs chakras, il y a quelques années, ça aurait pu choquer. Aujourd'hui, ça ne choque plus grand monde. Alors, chez moi, ça ne choque personne, mais je pense qu'il y a... Mais vraiment, on est quand même dans l'anti-années 80, maintenant. On est à l'inverse de cette époque où c'était le corps extérieur qui primait. Aujourd'hui, c'est le corps intérieur qui prime. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'est... Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait qu'on a aussi peur de mal vieillir, que les gens ont pris conscience qu'on n'avait qu'un corps, qu'il était fragile, qu'il n'était pas renouvelable. Et il y a cette peur de la maladie avec laquelle chacun vit, parce que malheureusement, elle est encore toujours très trop présente et trop radicale. Mais tout ça fait partie d'un même changement de paradigme assez profond de rapport au corps et de rapport au corps-esprit qui a changé. Nous étions fin 2019, Élodie Garamond venait alors d'ouvrir une nouvelle branche du Tigre Yoga Club, un nouveau lieu à Paris. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme et puis, le temps s'est suspendu. Les studios de yoga ont dû fermer en 2020. J'ai encaissé un confinement, rêvé d'être asymptomatique, regretté d'être qu'à contact. Et le yoga a parfois été pour moi l'antidote éphémère, à la fois puissant et impuissant, au désespoir, au deuil. Le yoga m'a permis d'observer la pleine lune dans le silence de nos vies confinées et de la vie in fine. Petite discipline solitaire avant le lever du jour, avec peut-être quelque part un écho au vieux rêve des hatha yogis qui ferraillaient avec notre nature mortelle et la dissolution du soi depuis des siècles. J'ai parfois eu envie de croire que le yoga me rendrait plus forte face au temps et à l'époque. Jusqu'à me rendre compte qu'une prix Nobel de médecine se posait peut-être les mêmes questions que moi. Oh, my name is Elizabeth Blackburn, and I'm je m'appelle Elizabeth Blackburn et je suis professeure émérite à l'Université de Californie à San Francisco. Je suis lauréate du prix Nobel de physiologie de médecine. Je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai commencé le yoga, la méditation et en fait j'aimerais arrêter le temps. J'aimerais ne pas vieillir. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ? La recherche que j'ai faite ne porte pas vraiment sur la quête de l'immortalité, ce qui n'est pas très réaliste, à mon avis, mais plutôt sur la façon dont nous vieillissons. Je suis très intéressée par cette question depuis longtemps. Nos chromosomes portent notre matériel génétique. Leurs extrémités sont très délicates et doivent être protégées par des capuchons protecteurs qu'on appelle scientifiquement les télomères. Ces capuchons s'usent avec l'âge à cause de différentes influences extérieures. La principale, c'est la façon dont nos esprits perçoivent le stress et comment ils perçoivent le monde à long terme. Plus nous sommes sujets au stress à long terme, plus nos télomères s'usent. Ces télomères usés rendent les cellules de notre corps moins saines et moins capables de rester jeunes. C'est ce qui nous rend plus vulnérables aux maladies du vieillissement. La santé de nos télomères est dépendante des hormones de stress de notre corps. Et ces hormones sont elles-mêmes affectées par la façon dont notre esprit perçoit la vie et le monde. C'est pourquoi ce que nous faisons à titre individuel, mais aussi nos interactions avec les autres, nos décisions sociétales, affectent la santé de nos télomères. Au cours de la vie, les télomères tendent à rétrécir, mais au contraire, ils peuvent aussi grandir à nouveau, ce qui donne de l'espoir. Peut-être que ce n'est pas bon pour vos télomères. Oui, être constamment harcelé par des appels, c'est l'une des nombreuses choses qui créent du stress. Nous ne pouvons pas changer beaucoup de choses de nos vies, mais nous pouvons changer la façon dont nous les percevons, dont nous y faisons face ou comment nous les pensons. Et ça, ça peut nous aider à ne pas vieillir si rapidement. Nous avons mené des études très intéressantes sur la façon dont la méditation permet de modifier la façon dont notre esprit perçoit, réagit au monde. Moi qui suis chercheur en biologie, je ne connaissais rien à la méditation. Je faisais quelques mouvements de yoga. Je savais que c'était des bonnes pratiques, mais elles ne faisaient pas vraiment partie de ma vie. Et donc, pour comprendre tout cela, la meilleure façon, c'était de vivre une vraie retraite de méditation. J'ai été impressionné par ce que j'ai appris de cette expérience directe. L'exemple le plus intéressant, c'est que j'ai éprouvé des sentiments de gratitude très forts pendant cette retraite. Cela semblait venir de nulle part, mais c'était très intense. Et à long terme, j'ai trouvé que ma capacité à travailler et à me concentrer était bien meilleure. Elizabeth Blackburn, est-ce que vous connaissez Sri Aurobindo ? C'est un yogi qui est né à Calcutta en 1872. Lui ne nie pas l'approche matérialiste de Darwin, mais il va plus loin. Il écrit, je cite, « Tout le monde sait maintenant que la science n'est pas un énoncé de la vérité des choses, mais seulement un langage pour exprimer une certaine expérience des objets. Mais nul savant n'en sait davantage ou ne peut en savoir davantage. » Eh bien, je suis une scientifique, donc je suis vraiment quelqu'un qui apprécie la réalité du monde matériel. Ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est l'esprit humain. C'est très important pour nous, humains, d'imaginer qu'il existe quelque chose qui nous dépasse et que nous ne pouvons pas nécessairement nommer. Parfois, on appelle ça la spiritualité, parfois la religion. Mais bon, si on y pense, les scientifiques n'ont pas toutes les explications sur la formation de l'univers. S'il n'existe qu'un seul univers ou une infinité d'univers, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Donc moi, je ne vois pas une sorte de dichotomie entre ces deux approches. Est-ce que d'une certaine façon, si on croit en Dieu, nos télomères vont rallonger, ou si on croit en une puissance divine ? Oui, absolument. Je pense que les humains ont un grand besoin de se retrouver, à la fois dans une communauté et à la fois dans l'idée qu'il existe quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Et c'est donc très simple pour nous. Et pour nos télomères. Mais ce que nous ne savons pas encore dire exactement, c'est lequel de ces deux aspects améliore notre physiologie de façon bénéfique pour nos télomères. Si vous croyez en un Dieu ou un être supérieur, mais que vous êtes vraiment horrible envers tout le monde autour de vous, c'est tout à fait possible que cela ne soit pas bon pour vos télomères. Donc je pense que nous devons juste réfléchir soigneusement à l'aspect qui agit en bien sur nous, la communauté ou la spiritualité qui sont souvent liées. Nous, les êtres humains, nous sommes intensément sociaux, très interconnectés. Donc tout ça joue aussi, et ça peut avoir des effets bénéfiques. C'était La vie en yogi, avec David Wagner, Laurent Lessève, Olivier Bagnerès dit Atma, Élodie Garamond, Christophe Vignon, Jeanne Burgat-Goutal, Guru Jagat, Elizabeth Blackburn, Gourmouk, traduction Jeanne Raymond, Marion Houdin et Marie Chartron. Merci à Jérôme Oliveira, au Tigre Yoga, au Centre Élément et au Studio Raza Yoga pour avoir accueilli nos micros et mon tapis pendant leurs cours, et à Laurent Voulzy pour ses visions inattendues. Archivina, Anne Delavaux, documentation Aline Signoret, mixage Claude Nior, réalisation Manouchak Fachaï, une émission d'Élodie Maillot, coordination Perrine Carvan et Marie-Vonne à Bolivie. Gourou, yogi, adepte de la méditation, sceptique, galvanisé ou détaché de tout, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en Lotus, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Jules Crétois et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons voir un peu comment se porte la question blanche aux États-Unis. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.